بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في كتاب صفة الصلاة سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد Donc on va continuer inchallah sur l'étude du livre concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Et donc dans les dernières assises, on avait appris qu'à travers l'étude de ce livre, de l'éminent savant, du grand éminent savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, on va apprendre des questions importantes relatives à l'accomplissement de la prière. Et parmi ces questions qu'on va apprendre, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait appris que l'importance d'apprendre la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour pouvoir accomplir la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'accomplissait. Et conformément à hadith, dans un récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu, priez ». Donc c'est pour ça que le croyant, la croyante, se doivent, pour l'accomplissement parfait de leur prière, se doivent d'apprendre, justement, ce qui nous est rapporté du prophète, en somme, concernant la description de sa prière. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que beaucoup de savants ont écrit et enseigné dans le domaine de la prière. L'auteur, dans cette œuvre-là, dans ce livre-là, qui est nommé la description, le livre de la description Sifat al-Salah, la description de la prière, commence avec différents chapitres. Dans les premiers chapitres, l'auteur nous a enseigné des chapitres concernant le mérite de la prière, les bienfaits de la prière, le jugement religieux concernant celle-ci, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, une mise en garde dans le fait de la délaisser. Donc ça, c'était les premiers chapitres mentionnés dans le livre, à titre de révision. Les premiers chapitres étaient relatifs au mérite, au bienfait de la prière, au jugement religieux de cette prière, au sens de celle-ci. On avait appris à quel moment celle-ci fut prescrite et où, à quel endroit, la prière aussi fut prescrite. Et donc ensuite, on commence un nouveau chapitre concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous allez voir, celui qui étudie bien ce chapitre-là, relatif à la description du prophète, à la prière, la description de la prière du prophète, ensemble, alors ensuite pourra prier la prière du prophète, c'est-à-dire prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une adoration qu'on fait quotidiennement. Le musulman, quotidiennement, prie cette prière-là. Il accomplit la prière. Et donc, on se doit de pouvoir la prier comme le prophète ensemble lui-même l'a prié, nous a enseigné de la prier. C'est pour ça que les compagnons, plus tard, enseignaient aux gens de leur époque la manière dont le prophète ensemble priait. Et justement, ils enseignaient les récits qui étaient liés à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, les savants ont écrit, justement, comme on l'a dit précédemment, dans le domaine de la prière, vu l'importance de cette œuvre et l'immensité de cette œuvre dans notre religion. À savoir qu'aussi on parlera de certaines questions liées à la prière en groupe, de questions importantes liées à Salat al-Jama'a. La prière, pourquoi ? Parce que soit on prie la prière en groupe, ou bien la personne, le prieur, peut la prier à des moments seuls, donc il doit connaître les règles. Il doit connaître les règles, que ce soit lorsqu'on l'accomplit seul ou bien lorsqu'on l'accomplit en jamara. Donc ça sera énuméré, inshallah, dans ce qui viendra dans les chapitres prochains, bismillah. Au début de ce chapitre, l'auteur nous fait un rappel. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen nous fait un rappel concernant l'importance, justement, d'apprendre et de connaître la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour pouvoir prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Et tout au début, l'auteur a introduit ce chapitre-là avec une phrase très importante. Et dans l'assise où on avait commencé l'étude de ce chapitre, on avait fait une portée d'attention, on s'est arrêté sur cette phrase très importante par laquelle il débute ce chapitre en disant « Yajib an na'lama anna min sharti l'ibadati l'ikhlas wal mutaba'ata li ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam idhan nabudda an nadrusa kayfa kana nabi sallallahu alayhi wa sallam » Il dit dans cette première phrase très importante par laquelle il débute justement ce chapitre, ce fasl, il dit « Il est une obligation pour nous de connaître les conditions pour l'acceptation des adorations. » La condition pour l'acceptation des adorations. « An na'lam anna min shartil ibadatil ikhlas wal mutaba'a » Que parmi les conditions pour l'acceptation des adorations, l'insincérité, ce qu'on appelle « al-ikhlas » ou « al-mutaba'a » et ce qu'on appelle le deuxième terme « al-mutaba'a » comme on avait déjà cité, ce qu'on peut traduire de manière relative, le suivi. Le suivi, c'est-à-dire de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est deux conditions pour l'acceptation de toutes les adorations et toutes les œuvres. Pour que les œuvres soient acceptées, il faut ces deux conditions. Qu'elles soient accomplies sincèrement pour Allah azzawajal, c'est ce qu'on appelle la condition de l'ikhlas, ou al-mutabara, qu'elles soient accomplies conformément et en cohérence avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De sorte qu'une personne qui fait une adoration qui est en cohérence avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements du prophète, mais il n'est pas sincère, son adoration n'est pas acceptée. Ou à l'inverse, il fait une adoration, il accomplit une adoration avec sincérité, mais elle n'est pas en cohérence et en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son adoration n'est pas acceptée. Il faut les deux conditions, qu'elles soient accomplies sincèrement pour le Créateur et qu'elles soient en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous a fait le rappel en faisant allusion et référence à un verset, le verset 43 dans la sourate al-Baqarah, le verset 43 dans la sourate la vache, lorsqu'Allah azza wa jal nous dit « Wa aqimu salata wa atu zaka wa rkaru marrakein » Et accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça, c'est une traduction littérale du verset 43 de Sourate al-Baqarah. Wa iqamat al-salah, vous avez vu dans le verset, il est dit, wa aqimu al-salah. Allah nous dit, et accomplissez la prière. Donc, Allah, azza wa jalla, lorsqu'il nous ordonne de faire la prière, c'est dans le sens de l'accomplir. Il nous ordonne de l'accomplir. Wa iqamat al-salah, et quel est le sens de l'accomplissement? En arabe, on appelle ça iqamatu salah wa aqimus salah. Vous avez vu, là, c'est le verbe. En arabe, c'est l'impératif. Aqama yuqimu aqimu. Aqimus salah. Accomplissez. C'est l'impératif. C'est ce qu'on appelle en langue arabe al-fi'l al-amr. Donc, Allah Azza wa Jal, ici, nous commande, nous ordonne d'accomplir la prière. Quel est le sens de l'accomplissement? Le sens de l'accomplissement. Ici, l'accomplissement, c'est إقامت الصلاة بمعنى أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة. C'est-à-dire que celui qui va l'accomplir, celle-ci, cette prière-là, il doit l'accomplir avec droiture, conformément à ce qui nous est rapporté dans la législation. Conformément à ce qui nous est rapporté dans la législation. C'est-à-dire, donc, pour répondre à l'impératif et à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah nous commande et nous dit « Wa aqimu salah » et accomplissez la prière, c'est dans le sens qu'il faut donc l'accomplir dans notre accomplissement de celle-ci avec droiture conformément à ce qui nous est rapporté dans la législation. Donc l'importance ici d'apprendre comment accomplir la prière avec droiture. Et conformément ensuite avec le hadith du prophète, sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc on voit que le prophète sallam nous ordonne de prier comme lui-même prier cette prière. Et l'auteur ensuite fait le rappel avec le célèbre hadith dont on avait fait allusion, le hadith qu'on appelle celui qui a mal fait sa prière. On avait dit, c'est à l'époque du prophète, sallam, un homme était entré dans la mosquée alors que le prophète, sallam, que la prière et la paix soient sur lui, était à la mosquée. Un homme est rentré, ensuite il a salué le prophète, sallam, et l'a prié. Il a prié. Lorsqu'il vint vers le prophète, sallam, il salua le prophète. Le prophète, sallam, lui dit « Wa alayka salam » et que le salut soit sur toi. Le prophète répondit à son salut et lui dit « Irdia fa salli fa innaka lam tusalli » Reviens et prie car tu n'as pas prié. Car tu n'as pas prié. Et donc l'auteur s'est appuyé et a fait référence et allusion à ce hadith pour nous montrer l'importance de bien accomplir la prière. Pourquoi ? Parce que cet homme et cette histoire se passent à l'époque du prophète. Alors que l'homme rentre dans la mosquée, alors que le prophète sallam s'y trouvait, kana jalisan fi nahiyati al-masjid, le prophète lui était assis, il est rapporté dans le récit, dans un coin de la mosquée. Et donc ata rajulan aw anna rajulan dakhala al-masjid wa rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jalisun fi nahiyati al-masjid fa salla thumma jaa fa sallama alayhi. Et donc cet homme, alors que le prophète était dans un coin de la mosquée, est rentré, il a prié, ensuite il va au prophète, il l'a salué, en lui disant « Assalamu alaikum, assalamu alayka » et le prophète sallam radda alayhi salam. Le prophète a répondu à son salut et lui a dit « Irdia fa salli fa innaka lam tusalli » Reviens et prie car tu n'as pas prié. Et il est rapporté dans un autre récit, dans une autre variante, que cela s'est réitéré trois fois. Le prophète à trois reprises lui a dit, lorsque l'homme ensuite s'en alla prier, ensuite, après qu'il pria, il revint vers le prophète, il salua le prophète une deuxième fois, le prophète répondit à son salam, et ensuite il lui dit, repars prier car tu n'as pas prié. Et le prof et la personne ensuite, il est rapporté dans le récit, qu'il réitéra cela, il a reprié, ensuite il est revenu vers le prophète, il a salué le prophète, le prophète a répondu à son salut et lui a dit « Repars car tu n'as pas prié. » Jusqu'à ce que l'homme dit au prophète « Ya Rasulallah, enseigne-moi car c'est comme cela que j'ai appris. » Et ensuite le prophète de lui enseigner, la manière de prier. Et ça, c'est très pertinent que l'auteur, au début, à titre de rappel, nous rappelle ce hadith. Ce hadith, pourquoi ? Parce que c'est une immense exhortation concernant le sujet. C'est que cet homme, à l'époque du prophète, imaginez-vous, c'est l'époque du prophète. Cet homme vit à l'époque de la descente du livre et de la révélation. Et donc, il vit à l'époque où il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il rentra dans la mosquée alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était présent, était dans la mosquée. Il a pris une prière. Et à cette époque-là, à l'époque de la révélation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à cet homme, repars prier car tu n'as pas prié. Imaginez-vous. Et donc ce hadith est une immense exhortation. Et que l'auteur ait cité ce hadith à ce moment-ci du livre, au début du récit, à titre de rappel, pour que cela nous incite et nous rappelle vraiment à bien apprendre à prier, pour que notre prière soit valable. Regardez cet homme, alors que le prophète sallam était bon, le prophète sallam, il est connu dans ses moralités qu'il était doux, le prophète sallam n'est pas venu pour imposer une charge et compliquer les choses. Au contraire, dans un récit, le prophète ensemble nous dit « Annoncez la bonne nouvelle et facilitez et ne compliquez pas, ne faites pas fuir. » Dans un récit. Donc le prophète ensemble exhorte les musulmans à être bons, à avoir de la mansuétude et de faciliter les choses, de ne pas compliquer les choses et de ne pas faire fuir les autres. Mais regardez, tellement le sujet est important, le sujet de la prière est important, là le prophète sallam a dit à cet homme d'aller reprier, de réitérer sa prière car il n'avait pas prié, comme dit le prophète sallam. Fa innaka lam tusalli. Or, est-ce que l'homme avait prié? L'homme a prié. Dans le sens, il a fait une prière. Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a nié pour lui la prière. Puisqu'il lui a dit, « Irja fa innaka lam tusalli. » Repars car tu n'as pas prié. C'est comme si que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nie le fait qu'il ait prié. Or, cet homme a prié. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que l'homme a une prière? Il a prié. Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, repars, tu n'as pas prié. Comment on peut expliquer ça? Donc, quel sens de religieusement? Pourquoi tu dis religieusement, il n'a pas prié? Arsène. Donc ça fait référence à quoi? C'est une négation. Et ça, on appelle ça la négation. Naam. Lakin, kif samma hadi? Tasmiyat al-nafi, huna. Ah, tu l'as dit. Sauf que tu l'as dit en français. On a dit c'est nafi shara'i. Al-Sheikh ta'ammalu fi kalam al-Sheikh yaqul. Donc on voit que le prophète ici nie. Nie pour cet homme. C'est pour ça que ce récit ensuite il est nommé le récit de celui qui a mal accompli sa prière. Regardez l'auteur, Shoumala Al-Thaymi, regardez ce qu'il va dire. Très pertinent. Il dit « وَنَفَى الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَ الرَّجُلُ هُنَا وَنَفِيُ هُنَا نَفِيُنْ شَرَعِي » La négation du prophète, lorsque le prophète nie la prière, c'est-à-dire que cet homme est prié, c'est une négation, comme il a été dit, religieuse. C'est-à-dire, religieusement, il n'a pas prié. وَإِلَّا وَلَيْسَ نَفِيًا وَاقِعِيًا هَذَا هُوَا Nafyan ou aqaiyan. Mais ce n'est pas une négation du réel, de ce qui s'est réellement produit. Ce n'est pas une négation d'alladhi waqa, de ce qui s'est produit. Pourquoi? En fait, l'homme a prié. Donc, d'une manière, qu'est-ce qui s'est produit? L'homme a fait une prière. Sauf que cette prière, religieusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié que celle-ci soit prière. De sorte qu'il a dit Farja fa innaka lam tusalli. Reviens car tu n'as pas prié. Le prophète donc ici a nié la prière dans le sens religieuse. La négation elle est ici religieuse. Donc on voit, c'est pour ça qu'on a dit précédemment, c'est une très belle faïda, un très bon enseignement, on voit que l'homme à la base il a prié. Mais malgré qu'il a prié, le prophète sallam lui a dit de revenir et de réitérer sa prière car il n'a pas prié. Car il n'a pas prié. Et comme on l'a dit précédemment, donc regardez, ça c'est à l'époque du prophète sallam. Donc l'homme est rentré et a fait une prière. Sauf que le prophète sallam nous enseigne que cette prière-là et a enseigné à cet homme que sa prière n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été accomplie comme elle doit être accomplie. Et là, c'est pour ça que l'auteur, lorsqu'il mentionne ce hadith, à ce moment bien précis, ce n'est pas en vain. C'est une immense exhortation. Et si vous vous référez au commentaire d'un savant de la Mecque, qui a commenté le livre La Description de la Prière, de l'Allama Cheikh Mohammed Nasr Din al-Albani. Vous avez vu, on a le livre de La Description de la Prière de Cheikh Al-Albani. On a dit différents auteurs, différents grands savants écrits dans le domaine. C'est le deuxième pilier de l'islam. Après, Shahadatan. C'est l'une des actions les plus importantes qu'on pratique. L'une des plus grandes adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, il n'y a pas, comme il est dit dans le hadith, il n'y a pas une chose meilleure pour se rapprocher de son créateur, si ce n'est dans l'accomplissement des obligations, des prescriptions. Il n'y a pas celui qui veut se rapprocher de son créateur, qui veut se rapprocher de son Seigneur, il n'y a pas une meilleure manière que par l'accomplissement des prescriptions et des obligations. C'est la première chose pour se rapprocher du Créateur. Et là, de ce fait, le bon accomplissement de la prière. Regardez dans l'auteur de Sifat al-Salat al-Nabi, Sassam Sheikh al-Albani, dans son recueil aussi, on peut dire recueil puisque il mentionne des hadiths liés à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre, il fait allusion au hadith. Il fait allusion à ce récit lorsqu'il va parler de istiqbal al-qibla, le fait de s'orienter vers la qibla. On a dit l'orientation vers la qibla fait partie des conditions de la prière. Des conditions de la prière. Et ça, les conditions de la prière, on les a étudiées dans ce qui a précédé, dans des cours précédents. On avait étudié, à titre de révision, et ça c'est très important, parmi les conditions de la prière, on avait étudié entre autres istiqbal al-qibla, le fait de s'orienter vers al-qibla. Lorsqu'on dit conditions de la prière, ça veut dire que si on ne pratique pas, si la condition n'est pas existante, n'est pas présente, donc il n'y a pas présence de l'œuvre, si on peut dire, ou l'acceptation de l'œuvre, de l'action. Et c'est ça qu'on avait dit parmi les définitions données de la condition, on avait dit « Ma yelzam min adamihi al-adam, wa la yelzam min wujudihi al-wujud ». On a dit ça, c'est la description, ou pardon, la définition de la condition. « Ma yelzam min adamihi al-adam, wa la yelzam min wujudihi al-wujud ». La condition, c'est quoi? La condition, c'est ce dont le néant ou la non-existence nécessite ou implique la non-existence, comme on avait dit. Et aussi, c'est celle que, voilà, yelzam, mais par contre, son existence, sa présence, n'implique pas forcément la présence de l'œuvre. Bon, on va pas réitérer l'explication, mais on avait expliqué. En tout cas, dans tous les cas, la condition, il faut qu'elle soit présente. Si elle est inexistante, il n'y a pas d'œuvre. Comme là, par exemple. Si on ne s'oriente pas vers la qibla, la prière n'est pas acceptée. Sauf qu'on avait parlé de certaines nuances, certaines exceptions à la règle. À la règle dans ce qui a précédé dans les cours. On avait parlé aussi les ablutions, at-tahara plutôt, at-tahara, la purification de al-hadath al-ashar ou al-akbar, la purification du grand événement, ou de la grande impureté, ou de la petite impureté, de l'impureté mineure. On avait dit parmi les conditions, satr al-awra, le fait de cacher les parties intimes. Ça fait partie des conditions, par exemple. On avait dit parmi les conditions, an-niyya, l'intention, parmi les conditions de la prière. Donc ça, c'est des conditions très importantes. On verra ensuite qu'on étudiera, dans le livre, viendra le chapitre concernant le wajibat, concernant les obligations de la prière. Concernant les obligations. On avait dit la différence entre les conditions sont externes à l'œuvre et les obligations sont dans l'œuvre, font partie intégrante de l'œuvre. Al-Muhim, regardez, dans le passage où l'auteur, Sheikh al-Albani, dans son livre, il va citer Istiqbal al-Qibla, ou Istiqbal al-Ka'ba. Il dit Istiqbal al-Ka'ba. Il dit, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ. Il dit, l'auteur, et le messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il accomplissait la prière, il s'orientait vers la Ka'ba. Il dit que ce soit pour la prière obligatoire ou bien pour la prière surrogatoire. وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِمُوسَى صَلَاتَهُ. Et regardez, là, il fait allusion, observez, remarquez, là, l'auteur, Sheikh al-Albani, dans son livre, il fait allusion au hadith. On a dit que certains hadiths ont eu des appellations. Ce hadith-là, il était appelé le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Sheikh, ici, il fait allusion au hadith en disant, et comme cela, il nous est rapporté dans le hadith de celui qui a mal fait la prière. Quel est le lien? Puisqu'il nous est rapporté dans ce hadith-là que l'homme est rentré dans la mosquée, alors que le prophète Sassam était présent dans la mosquée, dans un coin de la mosquée, il a prié, il va au prophète, il le salua, le prophète ensuite répondit à son salam et lui dit « Repars prier car tu n'as pas prié ». Quel est le lien avec istiqbal al-qibla, le fait de s'orienter vers la qibla? Le lien, c'est qu'ensuite, lorsque l'homme va demander au prophète Sassam de lui enseigner la prière, dans une variante du récit, il est dit que le prophète Sassam lui a dit « Idha qumta ila salati fa asbir al-wudu ». Lorsque tu vas accomplir la prière, alors accomplis parfaitement tes ablutions. Traduction relative. Ensuite, le prophète, ensemble, lui dit, ثم استقبل الكعبة أو pardon ثم استقبل القبلة فكبر. Ensuite le prophète lui a dit et ensuite oriente-toi vers la Qibla. Donc regardez, lorsque le prophète ensuite il va enseigner à cet homme comment prier, puisque le prophète lui a dit repars prier car tu n'as pas prié. Ensuite l'homme viendra et le prophète va lui enseigner la prière. Parmi ses enseignements, istiqbal al-Qibla. C'est pour ça que Shir al-Albani dans son livre La Description de la Prière lui mentionne ce récit. Il fait allusion au récit de celui qui a mal fait sa prière dans le passage où il fait allusion à l'orientation vers la direction de la Kaaba pour la prière. Et l'auteur, pourquoi j'ai fait allusion à ce passage-là et référence à ce passage-là? Pourquoi? Parce que l'auteur ensuite du commentaire, dit Al-Musi salatahu wa rajulun min as-sahaba. Il va rapporter un enseignement bénéfique, il va dire qui était cet homme. Il dit cet homme en fait qui est rentré dans la mosquée, certains savants ont fait des recherches, mais qui était-il? Et certains ont trouvé. C'était qui cet homme. Et certains, ils ont dit que cet homme faisait partie des hommes parmi les compagnons. Donc c'était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa ismuhu Khalad ibn Rafi'a. Certains savants sont d'avis que cet homme-là qui est rentré, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de refaire la prière, s'appelait Khalad. Khalad, fils de Rafi'a, Az-Zarqi. Comme le dit le commentateur. Le commentateur ici, il dit dans l'explication هو رجل من الصحابة دخل إلى المسجد والرسول جالس مع أصحابه فصلى ركعتين. Et lui, le commentateur, dans l'explication du récit, dit l'homme, lorsqu'il est rentré, le prophète était assis avec ses compagnons et l'homme a fait deux unités de prière. وما أحسن الصلاة. Mais n'a pas bien fait sa prière. صرحت بعض الروايات أن هذا المسيء هو خلاد بن رافع الزرقي. Et certains disent que c'est mentionné dans une autre variante. Du récit. Et comme vous pouvez voir ça dans sa biographie, dans un livre qui s'appelle Kitab al-Isaba. Ensuite, les savants, les spécialistes biographes, des biographies des compagnons, leurs successeurs et des grands imams de la nation, certains étaient spécialistes dans les biographies. Et certains biographes ont divergé concernant la date de décès de Khalad ibn Rafi'a. La date de décès. À quel moment il décéda. Fadhakara ibn al-Qilbi rahimahullahu ta'ala anna Khaladan qutila bi Badr. Certains, comme il est évoqué de Ibn al-Kalbi, certains biographes ont évoqué qu'il est mort à Badr. Qu'il est mort à l'expédition de Badr. Donc il fait partie de Al-Badriyoun, des compagnons qu'on appelle les gens de Ahl Badr. Les gens de Badr. Walam yadhkuru fi shuhada al-Badriyin ghayru. Mais il n'y a que lui, Ibn al-Kalbi, qui mentionne Khalad parmi les martyrs de Badr. Vous avez vu, c'est l'expédition de Badr, tous les compagnons, ceux qui sont décédés à Badr, on les appelle Shuhada Badr. Et lui, Ibn al-Kalbi, cet homme-là, ce biographe-là, l'a mentionné. Mais certains savants disent qu'ils ont retrouvé que ce biographe-là qui mentionne Khaled parmi les Shuhada de Badr, al-Badriyin. وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب اي ابن عبد البر aussi قال il a dit dans son livre الاستيعاب يقولون ان له روايه انتهى وقال ابن الاثير في اسد الغابه معلقا على عباره ابن عبد البر وهذا يدل على انه عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Et Ibn al-Athir, vous savez, Ibn al-Athir, c'était un savant célèbre, surtout connu pour Ibn al-Athir pour l'histoire et autres, c'est un grand savant, Ibn al-Athir. Ibn al-Athir, il va commenter la parole d'Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, c'est un savant, c'était Abu Amr Ibn Abd al-Barr. Abu Amr Ibn Abd al-Barr, c'est un savant qui est décédé en 463 de l'Hégire, le célèbre auteur de Kitab al-Isti'ab, Ibn Abd al-Barr. Donc c'était un savant du 5e siècle, la moitié du 5e siècle. Lui, concernant Khalad, regardez ce qu'il dit, concernant, puisqu'on a dit les savants divergés concernant cet homme, Khalad ibn Rafi'a, par rapport à son décès. Yaqulun, et lui, il dit dans Kitab al-Istihab, dans le premier volume, la page 416, il dit Yaqulun, inna lahu riwaya. Inna lahu riwaya. Il dit que les savants disent qu'il a certes des rapports. Des rapports dans le sens, il rapporte. Il a des récits. Ou plutôt, riwaya, des versions. Dans le sens, il a des versions qu'il rapporte. Ibn al-Athir, il va commenter qu'est-ce que cela veut dire. Lorsque Ibn Abd al-Barr dit cela au sujet de cet homme, qu'est-ce que cela veut dire dans sa biographie? Il dit que وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عَاشَىٰ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lui, Ibn al-Athir, il commente cette parole en disant cela veut dire qu'il veut dire que cet homme a vécu après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Intaha. وقال Ibn Hajar rahimahullah fil isaba. Et on revient à l'érudit Ibn Hajar, puisque l'auteur de Kitab al-Isaba, c'est un livre du grand érudit Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. C'est un savant qui est décédé en 852. Al-Hafidh Ibn Hajar, qui est célèbre, qui est l'auteur du grand commentaire de l'authentique de l'imam Al-Bukhari, le célèbre commentaire. Et lorsqu'on plus tard, les gens demandèrent à l'imam Sana'ani de faire un commentaire de Sahih al-Bukhari, de l'authentique de al-Bukhari, il a fait allusion à un récit qui dit « La hijrata ba'd al-fath ». « La hijrata ba'd al-fath ». Il n'y a pas de hijra après le fath. Elle faisait allusion au commentaire d'Ibn Hajar qui s'appelle « Al-Fath ». « Kitab al-Fath ». « Fath al-Bari ». Très très beau commentaire, l'une des références dans les commentaires de l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Donc Al-Hafidh Ibn Hajar a de nombreux écrits, de nombreuses œuvres et de nombreux livres. Entre autres, Kitab Al-Isaba. Et lui, dans Kitab Al-Isaba, dans le volume 1, page 454, il dit « فَخَرَجَ مِنْ هَذَا أَنَّ خَلَّادًا هُوَ الْمُسِي صَلَاتَهُ وَمُ... الْمُسِي صَلَاتَهُ. Et lui, Ibn Hajar, lui, il voit, il dit dans Kitab al-Isaba, c'est là qu'il dit que sort de tout ce qui est rapporté, découle de cela que Khaled, c'est lui, l'homme du récit qu'on appelle celui qui a mal fait sa prière, qui était rentré dans la mosquée. Ensuite, le prophète lui a dit, repars refaire ta prière, car tu n'as pas prié. Que cet homme est Khaled. Et il dit, وَاسْتُشْهِدَ بِبَدْرِ. Et Al-Hafidh, il confirme qu'il est tombé à l'expédition de Badr. فَالْقِصَّةُ كَانَتْ قَبْلَ بَدْرِ فَنَقَلَهَا الرِّفَاعَ. Et donc l'histoire, elle se produit après Badr ou avant Badr? Avant, naturellement. Donc l'histoire, naturellement, se produit donc chronologiquement. Certains savants comme le Hafidh Ibn Hajar, regardez, ils font des travaux même pour eux, situer les hadiths dans le temps. À quel moment donc ce hadith-là s'est produit lorsque le prophète a dit à l'homme, repars prier car tu n'as pas prié? Il dit donc, ça s'est produit donc avant Badr. Avant Badr. وَنَقَلَهَا رِفَعَ. Et celui ensuite qui va la transmettre, cette histoire-là, c'est Rifa'a. Rifa'a, c'est le frère. C'est le frère de Khalad. Son frère, il a un frère qui s'appelait Rifa'a. Et donc, les savants disent que c'est son frère. Et ensuite, Al-Hafidh Ibn Hajar, il dit « Wallahu a'lam ». Et Allah est plus savant de cela. « وَدَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ فَجَاءَ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فرجع الرجل فصلى ركعتين كما كان يصلي ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم رجع الرجل فصلى كصلاته الأولى وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه وهذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء صلاته وهو مروي عن أبي هريرة ومروي عن رجل آخر غير أبي هريرة واسمه رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه وهو أخو خلاد صاحب القصة وفي هذا الحديث حديث مسيء الصلاة قال فيه حديث مسيء الصلاة قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني أوصل الماء إلى الأغضاء معمما الغضو بالماء لا ينقص منه شيء وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر والشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم استقبل القبلة فاستقبل القبلة من واجبات فاستقبال القبلة من واجبات الصلاة فلو أن الإنسان تعمد عدم استقبال القبلة في صلاته مع قدرته وعدم المانع بطلت صلاته لأنه فعل الصلاة على غير الصفة الواجبة إلى آخر كلام الشارح. Donc là, je vous ai lu une partie de l'explication, justement, du hadith de celui qui avait mal fait sa prière, que vous pouvez retrouver dans le commentaire, justement, de la description de la prière du prophète du livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Donc, on avait dit, l'homme, il a fait sa prière. L'homme avait fait sa prière, mais le prophète a nié le fait qu'il ait fait sa prière. On avait dit, cette négation, c'est une négation religieuse. Négation religieuse. Donc, on avait dit ça, l'auteur... lorsqu'il débute pour nous exhorter à bien prendre la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié, alors c'est quelque chose de très important, de très important, de connaître les piliers de la prière, de bien pratiquer ces piliers-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir aussi que la première chose dont on sera jugé le jour de la rétribution sur nos adorations, ce sera la prière. « Awwalu ma yuhasab al-abd yawm al-qiyama » Salah, la prière. La prière, c'est la première chose parmi le culte qu'on doit à Allah. La première chose dont on sera interrogé, c'est sur la prière. Ensuite, l'auteur, après nous avoir exhorté sur l'importance de la prière, il commence maintenant, il dit donc, pour commencer la prière, yatasawwaku 'inda as-salah. Alors le prieur, il est bon, il fait un rappel immense. Il dit, il est bon qu'il utilise le siwak, c'est-à-dire le siwak avec lequel on peut se frotter les dents et se nettoyer la bouche, d'utiliser as-siwak. Ensuite, yastaqbilu al-qibla bi jami'i badani. Ensuite, il doit s'orienter de tout son corps vers al-qibla, vers la qibla. Ensuite, il dit, bi khushu'in wa huduri qalb. Avec concentration et dévotion, présence du cœur. Et donc là, il a la conviction qu'il va avoir une sorte d'entretien. Lorsqu'il va prier, il a la conviction qu'il va avoir une sorte d'entretien entre lui et son créateur. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que comme on avait déjà fait allusion au récit, le prophète nous enseigne que le prieur, lorsqu'il va réciter le Fatiha, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah Azza wa Jal dit Hamadani Abdi. Mon serviteur m'a fait les éloges. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite, lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ensuite Allah Azza wa Jal aussi répond à cela. Et lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, Allah Azza wa Jal aussi répond ça lorsqu'il va dire aussi mon serviteur m'a fait l'éloge. Mon serviteur m'a fait l'éloge. Ensuite, lorsqu'il va dire Maliki Yawmiddin, Allah Azza wa Jal dira mon serviteur Majjadani Abdi. Mon serviteur, en quelque sorte, a évoqué ma souveraineté, ma majesté. En quelque sorte, en traduction relative et approximative. Et donc, vous avez vu, il y a une sorte d'entretien entre le, il y a un lien entre le serviteur, le prieur et son créateur. C'est pour ça, avant la prière, le fait de se concentrer pour essayer d'avoir le maximum de la dévotion. D'avoir ce qu'on appelle al-khushu'a, de la dévotion et de la concentration dans la prière. Ensuite, on a dit, on commence par takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram. Le takbir du début, pour entrer dans la prière. Et donc, on a dit, on ne peut pas citer autre chose que Allahu Akbar. Même si, par exemple, le prieur dit Allahu Azim. Il commence en disant Allahu Azim ou Allahu Ajal. L'auteur nous dit que cela n'est pas valable. On doit dire, le prieur doit dire Allahu Akbar. On avait mentionné pourquoi Allahu Akbar, et l'auteur nous avait même mentionné la sagesse. Pourquoi on dit Allahu Akbar? Donc on commence à prier en ayant l'intention. En ayant l'intention d'accomplir la prière. Sauf qu'on a dit que l'intention, on la prononce pas. L'intention, elle est dans le cœur. Mahalluha al-qalb. L'intention se trouve dans le cœur. On dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Subhanahu wa ta'ala. On a dit à quel moment on lève les mains. Est-ce qu'on lève les mains pendant qu'on dit Allahu Akbar, après ou avant? Les trois choses sont rapportées. On avait dit que les trois sont rapportées. C'est-à-dire qu'au moment où qu'on dit Allahu Akbar, alors ensuite on a dit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on a dit que le fait de dire, de débuter la prière en disant Allahu Akbar, ça c'est un pilier. Ça c'est un pilier. Lever les mains est une sunna. C'est une sunna. Donc on avait dit, on lève les mains en disant Allahu Akbar. Et on avait dit les mains, on ne doit pas avoir les mains, les doigts écartés. On doit avoir les doigts collés, serrés. En direction de la Qibla, on a dit à hauteur des épaules. À hauteur des épaules. Et on a dit ensuite, on peut le dire soit avant, ou pardon, on peut lever les mains, soit avant de dire Allahu Akbar, soit pendant, soit après. Les trois manières sont rapportées comme va stipuler l'auteur. Donc si par exemple la personne dit Allahu Akbar, ensuite il lève les mains. Ou si par exemple il lève les mains, ensuite il dit, il lève d'abord les mains, ensuite il dit Allahu Akbar, c'est valable. S'il le fait pendant, il le fait en même temps, Allahu Akbar, c'est valable. Les trois sont rapportés. Et d'ailleurs, l'auteur, concernant cela, il dit « Ma'at takbir » lorsqu'on lève les mains en même temps que takbir de fait de dire « Allahu Akbar » c'est rapporté dans le Bukhari. Donc c'est permis de le faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez retrouver ça dans l'authentique de Al-Bukhari. « Min hadith ibn Omar » selon le hadith de Abdallah ibn Omar. Le fait de le faire avant takbir, c'est-à-dire lever ses mains avant takbir, c'est rapporté aussi. Mais c'est rapporté dans le hadith dans l'authentique de l'imam muslim. Dans l'authentique de l'imam muslim, du hadith de Abdal ibn Omar aussi. Ou après takbir, c'est rapporté aussi dans l'authentique de l'imam muslim, selon le récit de Malik ibn al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith. Donc les trois manières sont permises. Donc si, par exemple, dans votre prière, vous commencez la prière, vous dites Allahu Akbar. Vous allez lever les mains après avoir dit At-Takbir, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Si on lève d'abord les mains, Allahu Akbar, ensuite on dit Allahu Akbar, on a d'abord levé les mains, c'est rapporté aussi. Et si on le fait en même temps, ces trois manières-là sont rapportées. Et d'ailleurs, vous pouvez même vous référer à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'Albani, de Sheikh, rahimahullah, et aussi il cite ces trois manières. Ces trois manières-là sont possibles puisque c'est rapporté à travers la sunna. Ensuite, on avait dit donc, muntaha al-rafa, à quel niveau on met les mains? On a dit, on met les mains au niveau des épaules. Ou à hauteur des épaules. C'est-à-dire, à quelle hauteur maximale on peut lever les mains? Alors l'auteur, lui, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, il dit, soit à la hauteur des épaules. À la hauteur des épaules, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et Muslim. Et Muslim dans un récit d'Ibn Omar. Donc, à hauteur des épaules. Ou soit à la hauteur des oreilles. Ça aussi, c'est rapporté. Et c'est rapporté par l'imam Muslim d'après un hadith de Malik ibn al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith, qu'on a cité précédemment. Ou bien à hauteur, on a dit, soit à la hauteur des oreilles, ou bien à la hauteur du haut des oreilles. Hauteur des oreilles, à la hauteur du haut des oreilles. Ça aussi, c'est rapporté par l'imam Muslim. Et Shir, ensuite, il va répondre à une question. Est-ce qu'on peut faire tantôt telle chose et tantôt cela? Par exemple, tantôt à hauteur des épaules, tantôt à hauteur des oreilles. Le Cheikh dit « Ifal hada marratan wa hada marra li anna dhalika kullahu thabat ali nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit « Tu peux faire parfois cela ou parfois cela. » Il dit « Tout cela tu peux le faire. Pourquoi ? Parce que c'est rapporté. C'est confirmé du prophète, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc le fait de faire une fois de cette manière et l'autre, eh bien toutes ces possibilités sont permises car elles sont toutes rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé aussi, et Shir va nous parler aussi, la sagesse. C'est quoi la sagesse de lever les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar? La sagesse, les savants ont traité la sagesse. Et Shir ici va mentionner trois choses. Premièrement, parmi les sagesses de lever les mains, les raisons de lever les mains. Alors, premièrement, l'imitation. L'imitation du prophète, ce qu'on appelle At-Ta'assi. At-ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre le prophète. Donc si une personne dit, mais pourquoi on lève les mains? Ou si une personne se pose la question, mais pourquoi en fait on lève les mains? Quelles sont les raisons? Parmi les raisons, déjà on lève les mains par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète levait les mains. C'est rapporté de manière authentique. Comme on a cité à travers ces différentes références. Aussi bien authentique de l'imam Bukhari, aussi bien authentique de l'imam Muslim, aussi bien dans les autres recueils. Cela est rapporté de lever les mains. Donc premièrement, par imitation du prophète. Donc si quelqu'un dit, pourquoi lèves-tu tes mains? Réponds, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada kafana. Wa hada ikfina. Et ça suffit aux croyants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Ça suffit. Il dit deuxième raison, qala. Dans deuxième sagesse, il dit قال العلماء إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل. Lorsqu'on lève les mains en faisant takbir, en disant Allahu Akbar, ici certains savants ont dit c'est une façon de montrer la grandeur, la révérence qu'on porte à Allah عز وجل, à notre créateur subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on lève les mains, c'est un signe, ça fait allusion. Ça montre la révérence qu'on porte pour notre créateur, subhanahu wa ta'ala. On montre la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les gestes et la gestuelle nous ont pas été enseignés en vain. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne levait pas ses mains en vain. Il y a des raisons. C'est pour ça que les savants nous enseignent cela. Et lui, le croyant, il prend une immense récompense de suivre le prophète et de faire ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Donc le fait de lever les mains pendant le takbir, le fait, par exemple, comme on le verra dans la description, de lever le doigt lorsqu'on fait At-Tashahud, ça fait partie du suivi du prophète. Et il y a, bien sûr, des raisons. Ce n'est pas en vain que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait cela. Certains, comme on avait fait un rappel dans d'autres assises, certains penseront que l'étude de cela, c'est étudier des détails. Mais ça, c'est ceux qui n'accordent pas d'attention à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui suivent le messager d'Allah et aiment véritablement le messager d'Allah, dans la sunna et la tradition du prophète, il n'y a pas ce qu'on appelle des pluchures ou de détails. Tout est important pour le croyant et la croyante. Et vous comprenez pourquoi, le jour de la rétribution et de la résurrection, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera autour du bassin, al-Hawd, ce qu'on appelle al-Hawd, ça sera un endroit où les croyants seront en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et s'abreuveront de ce bassin. Sauf que viendront des gens, et des gens viendront le jour de la résurrection pour être autour de ce bassin avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils seront interdits de s'approcher du bassin et d'être en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra ces gens venir, ils seront interdits de s'approcher et d'être en compagnie du messager d'Allah autour du bassin. Le prophète dira, des gens de ma communauté, de ma nation, il sera dit au prophète, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Certes, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Sohqan, sohqan liman baddal. Que périssent ceux qui ont altéré, qui ont changé. On comprend dans ce récit que des gens viendront qui s'apparenteront à la nation, s'affilieront au prophète, sallam, mais ils seront exclus du bassin. Parce qu'ils ont altéré et changé la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à plus forte raison pour ne pas faire partie de cette catégorie, d'apprendre la sunna du prophète. Pour terminer, très rapidement, donc la deuxième sagesse de lever les mains, c'est une façon de montrer la révérence qu'on l'on porte à Allah Azza wa Jal. Troisièmement, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, parmi les raisons pourquoi on lève les mains dans la prière, il dit troisièmement, certains savants, regardez ce qu'ils ont dit, il y a une réflexion de certains savants, ils ont dit « Raf' al-yadayni, isharatun ila raf' al-hijab, baynaka wa bayna Allah » حَتَّى تُحْضِرَ قَلْبَكَ. Certains savants ont dit, regardez la réflexion de certains grands érudits, ils ont dit, c'est le fait de lever les mains fait allusion à la levée du voile entre toi et Allah. Fait allusion à la levée du voile entre toi et ton créateur et Allah, afin que tu impliques ton cœur et te remettre en mémoire que tu es debout entre les mains d'Allah. Livré à lui, tu te confies à lui à la façon d'un locuteur à son allocuteur. À son allocuteur. Regardez, et cette troisième sagesse que mentionne Cheikh Ibn Uthaymeen, vous pouvez la retrouver, elle est citée dans Kitab al-Adab al-Mashi al-Salah. Kitab Adab al-Mashi ila Salah. Vous avez vu la célèbre œuvre du grand auteur de Kitab Tawhid, le livre de l'unicité. Il a rédigé un livre nommé Le comportement lorsqu'on se rend à Adab al-Mashi ila Salah, lorsqu'on se rend à la prière. Lorsqu'on se rend à la prière. Et dans ce très très bel écrit, dans cette très belle œuvre, l'auteur, il mentionne ce qu'on doit faire lorsqu'on va faire la prière. Lorsqu'on sort de chez nous et on va accomplir la prière, tout ce qu'on doit faire. Sur le chemin, arriver à la mosquée, ensuite il va parler de la prière, il va parler des règles de la prière, des piliers de la prière, tout ce qui est relatif, tout ce qu'on est en train de faire, la description de la prière, jusqu'ensuite il va parler différentes prières. La prière de l'Aïd, comment elle s'effectue, la prière de la peur, comment elle s'effectue, la prière de l'Janaza, comment elle s'effectue, la prière de Al-Kusuf, de l'éclipse, et va la prière de l'Istikhara, de la consultation. Il va citer toutes sortes de prières. Comment elles s'effectuent? Ar-Rawatib, les prières surrogatoires qu'on fait qui sont liées à chaque prière. Donc je vous conseille vivement la lecture de ce livre. Adab al-Mashi al-Salah. Le comportement lorsqu'on se rend à la prière. Il évoque tout ça. Même la description de la prière, elle est présente dans son écrit. Et lorsque vous référez à ce livre-là, il fait allusion à ça, Shir. Il dit ça, l'auteur, il dit cela. Lever les mains pendant le takbir, puisqu'il dit ensuite, lorsqu'on fait le takbir, on lève les mains. Il le cite. Et lever les mains, il dit, quelle est la raison? Parmi les sagesses, il dit, le fait de lever les mains fait allusion à la levée du voile entre toi et Allah, afin que tu impliques ton cœur et te remettes en mémoire que tu es debout entre les mains d'Allah, livré à lui, tu te confies à lui à la façon d'un locuteur à son locuteur. Donc ça, ça fait partie des raisons. Par contre, pour terminer, il y a des erreurs dans la manière de lever les mains. En l'occurrence, ici, Cheikh Ibn Azamin va citer trois erreurs. Trois erreurs que beaucoup font, qui sont répandues lorsqu'on lève les mains pour l'accomplissement de la prière. Premièrement, il dit lever les mains à hauteur de la poitrine et non pas à hauteur des épaules. Et cela est infructueux, car non conforme à la sunna. Infructueux plutôt, non conforme à la sunna. Le fait que certains y lèvent à la poitrine. Et comme on avait déjà fait allusion à ça, certains lorsqu'ils commencent, Allahu Akbar. Vous avez vu ? Allahu Akbar. Et ils lèvent au niveau de la poitrine. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qui est répandue, puisque on a dit c'est à hauteur des épaules jusqu'à hauteur des oreilles. Jusqu'à hauteur des oreilles. Mais hauteur de la poitrine, commencez comme ça, Allahu Akbar. Il y en a qui commencent, Allahu Akbar. Ça, c'est une erreur. Première erreur qu'il cite. Deuxième erreur, le fait de mettre ses deux index dans ses oreilles. Le fait de mettre ses deux index dans ses oreilles. Certains ils mettent les deux index dans les oreilles quand ils font le takbir. Cela se pratique, il dit, le fait de mettre ses deux index dans ses oreilles, cela se pratique pour les ablutions. Vous avez vu, lorsqu'on fait les ablutions, les deux index là, on les met dans les oreilles pour nettoyer nos oreilles. Mais pas lorsqu'on fait le takbir. Troisième erreur, le fait de toucher ses oreilles lorsqu'on lève les mains. Il dit cela n'est pas juste. Aucune preuve n'indique cette pratique. Et ça, on le voit chez beaucoup d'anciens. On voit chez beaucoup d'anciens lorsqu'ils commencent. Vous avez vu ? Allahu Akbar. Ils pensent qu'il faille toucher les oreilles. Et donc ça, c'est, comme le dit Cheikh Ibn Azamin, c'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains diront, si on leur dit ne touche pas tes oreilles, subhanallah. Ils vont dire subhanallah, khillini. Laisse-moi, j'ai rien fait de mal. Mais c'est pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors si une personne il commence à toucher ses oreilles, l'autre après il va faire autre chose. Avec les générations et les générations, si on commence à avoir du laisser aller à faire des choses, chacun va prier d'une manière qui ne nous est pas rapportée du prophète. Pour ça, chaque génération, Allah Azza wa Jal a envoyé, alhamdoulilah, des ulama, comme un grand imam disait, il disait les anges, ce sont les anges gardiens, ce sont les gardiens des cieux, dans les cieux. Et le ulama, les érudits savants, ce sont les gardiens sur terre. C'est-à-dire que tout ce qui est attribué au prophète, ils viennent et ils corrigent. Ce qui est vraiment authentique, on peut l'attribuer au prophète, et ce qui n'est pas attribuable au prophète, ce qu'on ne peut attribuer au prophète, alhamdoulilah, il y a des grands savants de la communauté. C'est pour ça que, on va terminer sur ça, nous, notre travail, par la grâce d'Allah, on remercie Allah, le grand bienfait, c'est de lire les œuvres des savants. On ne dit pas ça par prétention. Au contraire, la prétention, ça serait de ne pas prendre de références, pas prendre de livres et de parler. C'est ce que beaucoup de gens font pour faire montrer qu'ils ont appris quelque chose et qu'ils ont du savoir. Mais en réalité, il n'y a pas une meilleure manière de lire les œuvres de nos grands savants. Et ça, c'est un mérite immense. Et c'est ça notre travail, c'est de faire partager les enseignements de grands érudits de la nation. Et ça se perd beaucoup. Les gens aujourd'hui qui enseignent, vous pouvez regarder dans les réseaux sociaux, des gens qui parlent pendant des heures, de longues minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, une heure et demie, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de support, et ils parlent. Mais celui qui peut parler dans la religion, par exemple, de nombreuses minutes, ça c'est l'affaire du savant, du grand érudit, celui qui est spécialiste. Tout ce qui sort de sa bouche est conforme au texte, que ce soit du Coran ou bien de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, les étudiants, la plus forte raison, celui qui n'est pas étudiant, doit se référer au livre. Et donc, nous, notre travail, c'est de profiter des livres de nos grands savants. Et de ce fait, le croyant, eh ben, il reste une personne douée d'intelligence, tant qu'il apprend les bons enseignements. Vous savez, il y a une histoire qui est rapportée à l'époque de l'imam Malik, il y a un homme s'est disputé avec son épouse. Ensuite, son épouse, elle s'est mise en colère et elle l'a traité de sa fille. Elle lui dit, t'es un safi. Safi, c'est le singulier de soufaha. Safi en arabe, c'est l'équivalent de l'homme sot, l'imbécile, stupide. C'est comme ça, elle lui a dit, tu es un stupide, t'es stupide. Ou elle le traite d'imbécile, en quelque sorte. Alors, l'homme a répondu à son épouse, il lui a dit, si idha kuntu safihan, fa anti taliq. Elle dit, si moi je suis un safi, je suis un homme sot, si je suis stupide, alors tu es divorcé. Sauf qu'ensuite, lorsque la colère est redescendue, ça c'est mes termes à moi, c'est moi ensuite qui interprète un peu l'histoire, lorsque la colère est redescendue ensuite, il a prononcé le divorce. Et il s'est rendu compte qu'il a prononcé le divorce. Sauf qu'il l'a conditionné. Le divorce, il était conditionné. À condition, si je suis sa fille, comme tu le dis, ben si je suis un stupide, eh ben tu es divorcé. Donc ensuite, son épouse lui a dit, si tu es stupide, je suis divorcé. Donc lui, alors l'homme, il s'en alla poser la question. Puisque son épouse a dit, tu m'approches pas tant que on ne sait pas si le divorce est effectif ou non. Alors il est rapporté dans l'histoire qu'il se rendit chez l'imam Malik. Et il lui posa la question. Il lui fait part de ce qui s'est passé. Ma femme m'a traité de sa fille. Et je lui dis, si moi je suis un safi, alors toi tu es divorcé. Et il dit, cher, est-ce que je suis un safi? Parce que si c'est un safi, le divorce il est effectif. Alors cher, il lui a dit, très belle réponse, qui laisse vraiment à réfléchir. Alors l'homme, il lui dit, est-ce que je fais partie de la catégorie des stupides? Est-ce que je suis stupide? Je suis un safi. Alors cher, il lui a dit, celui qui est savant, idha kunta aliman, ou kunta tujalis al-ulama, ou jalast al-ulama, falasta bisafi. Si tu es un savant, ou tu es une personne qui s'assoit auprès des savants, tu n'es pas un stupide. Mais en dehors de cela, fahou asafi. Ensuite, c'est à lui de réfléchir. Et ça fait un grand rappel de le fait de prendre le savoir des ulamas et des savants. Regardez, l'imam Malik, très belle réponse. Lorsqu'il est rapporté de lui, qu'il dit, si tu t'assois avec le ulama, au moins, ou tu es savant, et si tu n'es pas savant, au moins tu t'assois dans les assises. Falastabi safi. Tu ne peux pas être une personne stupide. Wahakada. Wallahu a'lam. Donc dans le programme, c'est ce qu'on a dit, on continuera chaque jour après Salat al-Asr sur l'explication du livre Sifat al-Salah. Et on fera le week-end. Pour le moment, on fait comme ça, on voit si ça convient. On fera l'asma ou sifat. Le livre sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on fera le week-end. Quoique, en réalité, c'était préférable de le faire la semaine. On verra. On va voir. On va commencer comme ça. Si après on voit qu'il est plus pertinent de le mettre à ce moment aussi fait la semaine, on le met la semaine et on met le livre de la prière le week-end. Le samedi et dimanche, on mettra le livre de la prière. Sauf qu'à la différence, le samedi et dimanche, c'est entre le Maghrib ou l'Aïcha. Entre le Maghrib ou l'Aïcha. Et non pas après le Asr. Tandis que la semaine du mardi au vendredi, on fait après le Asr. Ensuite, ce qu'on aurait pu faire, c'est de faire les deux livres, mais ensuite ça généralement on n'arrive pas puisqu'en plus ça met du temps, donc on se concentre sur un livre la semaine. Le livre n'est pas très volumineux, donc on peut le terminer bismillah, inchallah. Le but, c'est pas de terminer rapidement, mais en un certain nombre d'assises on peut étudier le livre inchallah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.